Audiomatique. Everyone wants Pour ouvrir la transmission 351 d'Audiomatique, nous écoutions la formation New Age Steppers et son interprétation de la pièce Got to Get Away, composée par l'artiste jamaïcain Bim Sherman et apparaissant sur l'album Action Battlefield des New Age Steppers, publié en 1981. Les sonoristes qui ont le plaisir de vous accompagner pour leur encours vous propose à l'instant la musique de la formation française Trisomie 21. Talking different white emotions. Vous entendiez à Audiomatic le groupe islandais Sigur Rós et sa composition Festival, extraite de son cinquième album studio intitulé Med Schul I Erum Vidspilum Endalust, que l'on pourrait traduire avec un bourdonnement dans les oreilles, nous jouons inlassablement. Et pour débuter ce bloc, il s'agissait de la formation française Trisomie 21 et la chanson One Last Play, que l'on retrouve sur l'album Trisomie 21 Plays the Pictures, paru en 1989. Et c'est maintenant la formation Victoria Fleet qui lance la prochaine séquence Audiomatic. it's over, I'm done. There's a tiny piece of you I say, just enough rope, just enough rope. Sex and death, total self-destruction, turn your body over. Thank you. À Audiomatic, nous venons d'entendre le projet russe Delete et sa pièce One Must Fall apparaissant sur son premier album intitulé Predatory Things of a Minute, dont la parution date de 2012. Avant, c'était la collaboration entre l'artiste Tom York et les projets Burial et Fortet pour la pièce intitulée Is Rope, apparaissant sur le 12 pouces Her Revolution Is Rope, paru en 2020. C'est la deuxième fois que ce trio nous livre une collaboration du genre, la première ayant donné lieu au 12 pouces Ego Mirror, sorti en 2011. Et pour amorcer la séquence, c'était la formation Victoria Fleet et sa pièce Will Wait, apparaissant sur son premier album Ached, paru en 2014. Pour la suite d'Audiomatic, nous vous proposons le trio québécois MISC. Thank you. day. Yeah! Do you remember feeling any other way? No! Do you want to stay in bed all day? Yeah! Do you remember feeling any other way? No! Do you want to stay in bed all day? Yeah! Venons tout juste d'entendre à Audiomatic le trio américain Le Tigre et la pièce Much Finer, ici remixée par Lauren Flax sous le nom de The Flax Datas Mix. On retrouve cette version sur l'album simplement intitulé Remix. Quant à la version originale de la chanson Much Finer, elle est parue sur le deuxième album du groupe Le Tigre, intitulé Feminist Sweepstakes et lancé en 2001. Précédemment à Le Tigre, nous avions droit à la formation canadienne Astra et la pièce Fire, tirée de l'album Olympia, sorti en 2013. Et pour débuter, le trio québécois MISC nous présentait sa composition Petite Apathie, qui est extraite de son deuxième et plus récent album, Partager l'ambulance. C'est la collaboration entre deux projets membres du collectif mexicain Nortec Collective, à savoir les projets Bostiche et Fusible, qui mettra un terme à cette transmission d'Audiomatic. Nous allons entendre la pièce titre de leur album intitulé Boulevard d'Os 1000. La fin d'une transmission d'Audiomatic n'est qu'une convention temporelle, puisque chaque transmission persiste à travers nos plateformes facebook.com/audiomatic CFOU et également mixcloud.com/audiomatique. Nous espérons tout de même vous retrouver en direct mercredi prochain dès 17h sur les ondes de CIFU 89.1 FM pour la transmission 352 d'Audiomatique. Voici donc pour terminer la collaboration entre les projets Bostiche et Fusible avec la pièce Boulevard 12000. C'était Audiomatique avec les Sonoristes. Say afraid. Don't be afraid.